Pour exprimer nos libertés, pour échanger nos cultures, nos savoirs, nos débats d'idées. L'instrument est bon pour les ordures, il sonne toujours en saturé et prétend donner un son pur, pur pour les puritains bornés. Mais qu'est-ce que c'est que ces chefs d'orchestre qui nous montrent à nous attarder les bonnes manières et les beaux gestes? Comment faut vivre quand faut pleurer? On avait un bel instrument et on dirait qu'on l'a vendu à une troupe de divertissement pour leur belle gueule ou leur beau cul. Leur liberté c'est la monnaie, en offrant aux Français moyens, elle apporte bonheur et gaieté. Oh merci, merci, mais de rien. Mais qu'est-ce que c'est que ces clowns minables qui ordonnent au public d'applaudir et qui par souci commercial vont jusqu'à lui demander de sourire. Qui est aujourd'hui entre les mains de manipulateurs pédants, fiers de leurs coups et honte de rien. Le roi Arthur monte en action, le marché du beauf se porte bien. Son château est un bon placement où s'exprime l'art contemporain. Mais qu'est-ce que c'est que ces prétendants à l'ego surdimensionné qui ont la respectable mission de servir la soupe aux attardés? On avait un bel instrument, on peut dire qu'on a tout gâché, en admettant, mais pas dedans, qu'un parti puisse le contrôler. S'il faut qu'on s'attache à la police, y aura 4 polars par semaine, des documentaires distractifs sur la course poursuite de Mohamed. Mais qu'est-ce que c'est que cette propagande? On nous impose une religion qui est de l'autre côté de la télécommande. On ose appeler formation. Oussama, si tu passes par là, même si t'es pire que le choléra, que vos méthodes se valent bien. Oh, liquéfaction de cerveau humain. Si un jour t'en veux à la France et que tu sais pas trop où frapper, cet inhumain, dans ta démence, tu prendras pas.